Chapitre 9e. L'hôtel que le baron de Lazarus habitait, rue du Colisée, était bâti au milieu d'un jardin. En devanture sur la rue, on trouvait une grande maison à 5 étages, puis, après avoir passé sous la porte cochère de cette maison et traversé une cour, on arrivait devant la grille d'un petit jardin parisien, c'est-à-dire frais et vert pendant les mois d'avril et de mai, poussiéreux et brûlé pendant tout le reste de la belle saison. Lorsque le colonel sonna à cette grille, ce jardin était dans toute sa splendeur. Le gazon était d'une verdure veloutée, les arbustes commençaient à ouvrir leurs feuilles printanières, et en bordure, le long des massifs, courait un long cordon de myosotis en fleurs. Ce myosotis n'était pas le fameux Fergus Meinicht d'au-delà du Rhin, mais l'espèce cultivée en France qui lui ressemble jusqu'à un certain point, au moins de loin. Pour qui n'était pas botaniste ou jardinier de profession, il pouvait y avoir illusion. Pour le Parisien habitué aux romances et aux leaders, c'était l'Allemagne toute pure. De même, pour celui qui avait fait le voyage des bords du Rhin, l'hôtel, enguirlandé de vignes vierges et de glycines, était aussi la maison allemande. À la demande du colonel, on répondit que M. le baron Lazarus était en ce moment occupé, mais qu'il recevait. « Veuillez remettre ma carte à M. le baron, » dit le colonel, en entrant dans un salon d'attente. « Si ma visite le dérange en ce moment, je reviendrai. » Presque aussitôt, le domestique revint dire que M. le baron sera libre dans quelques minutes. Dans le salon où le colonel était assis, se trouvaient déjà 2 personnes qui attendaient, 2 jeunes gens qui s'entretenaient en allemand. Pendant que le colonel parlait au domestique qu'il avait introduit, ils s'étaient tus. Mais bientôt, ils avaient repris leur conversation en se contentant de baisser la voix. Le colonel s'était exprimé dans un français si pur d'accent que ces jeunes gens l'avaient pris pour un français qui, comme tous ses compatriotes, ne devait pas entendre un mot d'allemand. Malheureusement, ce raisonnement ne se trouvait pas juste. Le colonel, élevé dans un pays où il y a autant d'allemands que d'irlandais, parlait la langue allemande aussi bien que la langue anglaise. Il put donc suivre la conversation des 2 jeunes gens, et cela sans l'écouter, presque malgré lui. Je tiens de source certaine que c'est le baron qui a fait publier la dépêche fausse relative aux armements de la France et à l'achat de 15 000 chevaux par des agents français en Hongrie. Et moi, je vous affirme que c'est lui qui a fait publier dans les journaux français la correspondance pour démentir l'armement des forteresses du Rhin. Alors il joue double jeu, c'est probable. La hausse dans un pays, la baisse dans l'autre, cette question du Luxembourg lui donne la partie belle. Réussira-t-il? Je le pense. Il a appliqué à l'Allemagne le système financier mis en pratique en France pendant les premières années de l'Empire. Et je crois que ce système, qui fait appel aux petites bourses, à l'économie du paysan et du bourgeois, produira de bons résultats. Pour lui, bien entendu. Il est incontestable que l'Allemagne est mûre pour la spéculation et qu'avant peu, elle sera prise de la fièvre de l'agiotage. Le baron ira-t-il jusque-là? Je le pense. On dit sa situation bien embarrassée. Il a tant de ressources et sait si bien se retourner. Enfin, pour en revenir à l'histoire de la dépêche, je vous affirme ce que je vous ai dit. Au reste, il vous est facile de constater vous-même les relations du baron avec les correspondants de plusieurs de nos journaux. Allez un jour entre 4 et 5 heures au café qui fait le coin de la rue Notre-Dame-des-Victoires et de la rue Brongniart. Vous verrez Karl Miller, le secrétaire du baron, donner le mot d'ordre. Retournez-y entre 11 heures et minuit, vous verrez le même Miller apportant les dernières nouvelles. À ce moment, on va prévenir le colonel que monsieur le baron l'attendait. Voilà une visite, s'écria le baron Lazarus, qui me surprend bien agréablement. Et avec toutes les démonstrations d'une véritable satisfaction, il prit la main du colonel et la serra longuement. « Vous avez reçu mon petit mot. » Et le chèque qu'il renfermait. « C'est précisément ce chèque qui m'amène près de vous. »« Vraiment. » »« Et j'ai oublié quelques formalités. » »« Je vous le rapporte. Vous comprenez, monsieur le baron, que je ne puis pas reprendre cet argent. »« Vous refuseriez cette restitution ?»« Assurément. » »« Et je ne puis accepter un argent que vous aviez loyalement gagné. » »« C'est bien le mot. » Loyalement gagné, mais ce mot n'est vrai que si vous le complétez en ajoutant que ce que j'ai loyalement gagné l'a été malhonnêtement par celui qui tenait les cartes. Or, ce n'est point avec moi que vous avez joué, c'est avec lui, donc vous n'avez pas perdu cet argent qui vous a été volé. » Et le baron se mit à rire, d'un rire formidable qui fit trembler les vitres. « Je vous défie, s'écria-t-il, de réfuter ce raisonnement. Cependant, je sais d'autant mieux ce que vous m'allez dire que je me le suis dit moi-même. Et voilà pourquoi je ne vous ai point restitué cette somme hier soir. On nous accuse, nous autres Allemands, d'avoir l'esprit lent. Cela est possible, et il est bien certain que, tout d'abord, sous l'impression que me causait mon gain, car je ne cache pas que j'aime à gagner, je me suis donné les raisons que vous voulez m'opposer, et j'ai trouvé que ces 30 000 francs m'appartenaient. Mais j'ai une habitude journalière à laquelle je ne manque jamais, c'est, avant de m'endormir, de faire mon examen de conscience. Cet examen m'a éclairé, car, grâce à Dieu, ma conscience ne me trompe jamais. Et ce matin, je vous ai reporté un argent qui ne m'appartenait pas. Comme il ne m'appartient pas davantage, à mon tour, je vous l'apporte. Je ne l'accepterai point, et moi, je ne le reprendrai pas. La discussion dura assez longtemps sur ces deux mots qui revenaient sans cesse. Cet argent n'est pas à moi, ni à moi. Je ne peux pas l'accepter, ni moi non plus. Mais tandis que le colonel mettait de l'animation dans cette dispute, le baron riait d'autant plus fort qu'elle se prolongeait davantage. On voyait ses larges épaules secouées par son rire qui résonnait dans sa poitrine. Enfin, il cessa de rire. « Je crois que j'ai trouvé un moyen de nous donner satisfaction à tous deux. C'est que ni l'un ni l'autre, nous ne prenions cette somme. Offrons-la aux malheureux. Cela vous convient-il ? Parfaitement. Mais bien entendu, ce sera en votre nom que le don sera fait. Pas du tout, ce sera au vôtre. Ne recommençons pas, dit le baron. Et pour cela, convenons que le don sera anonyme. Maintenant, comme il s'agit de savoir à qui il sera fait, je vous propose que ce soit au profit de mes compatriotes. Nous avons à la Villette une colonie de pauvres Allemands. Voulez-vous qu'ils héritent de vos 30 000 francs ? Volontiers. Alors je m'entendrai avec qui de droit pour la distribution de cette somme et vous rendrai compte de ce qui sera fait. » Les choses étant ainsi réglées, le colonel se leva pour se retirer. Mais le baron ne voulut pas y consentir, il le retint deux mains. Il éprouvait pour le colonel une véritable sympathie, une grande estime. Pour lui prouver cette sympathie, il voulut lui présenter sa fille. « On ne voit en moi que l'homme d'affaires, mais il y a un autre homme que je dissimule. Car dans ce Paris si charmant, il n'est permis d'afficher que ses vices. C'est l'homme de la famille, le père. Je ne vis que par ma fille, et toutes mes joies me viennent d'elle. Je veux que vous la connaissiez, je veux surtout qu'elle vous connaisse. Passons chez elle, nous allons la surprendre. » Disant cela, et sans attendre la réponse du colonel, il le prit par-dessous le bras et le fit traverser deux ou trois pièces du rez-de-chaussée. Arrivé devant une porte, il s'arrêta. « Entrons sans frapper, dit-il, pour mieux la surprendre. » Et il ouvrit la porte. Assise devant une table et occupée à écrire, une jeune femme leur tournait le dos. On ne voyait que ses épaules sur lesquelles tombaient deux grosses nattes de cheveux blonds nouées à leur extrémité avec des rubans bleus. Au bruit de la porte, elle se retourna. « Oh, papa » dit-elle, « libre papa !» Le baron alla vivement à elle et se penchant sur son front, il l'embrassa. Puis la prenant par la main. « Ma chère Ida, dit-il en français, j'ai voulu te présenter à mon ami monsieur le colonel Chamberlain. Et voilà pourquoi nous sommes venus te surprendre dans ta retraite de jeune fille. » Cette retraite présentait une singulière réunion de meubles et d'objets qu'on ne voit pas souvent ensemble. Devant une fenêtre ouvrant sur le jardin, se trouvait un aquarium où couraient dans la lumière des cyprins dorés. Devant une autre était placée une volière pleine d'oiseaux des îles. Sous le portrait d'une femme blonde était un piano ouvert, avec une partition sur le pupitre. Sur un chevalet à crémaillère était exposé un petit tableau en train, mais sur le point d'être achevé, représentant un paysage alpestre dans le genre de Calam. Sur un fauteuil étaient entassés 4 ou 5 torchons en grosse toile écrue, dont l'un n'était pas fini de marquer. L'aiguille, enfilée de coton rouge, était piquée dans un coin. Enfin, sur la table de travail, était ouvert un livre de comptes où se montraient des colonnes de chiffres. D'un côté de ce livre, un trousseau de clés. De l'autre, une boîte à monnaie, dans laquelle les pièces étaient scrupuleusement rangées d'après leur valeur. Assurément, une jeune fille à marier ne pouvait pas être surprise en un moment plus favorable, car toutes les qualités qu'on peut exiger d'une femme se montraient dans cet intérieur qui parlait d'une façon si claire. Dans l'aquarium et la volière, on reconnaissait une amie de la nature, dans le piano et le chevalet, une artiste, dans le livre de contes et le trousseau de clés, une femme de ménage. Que demander de plus ? La beauté de la femme. Cette jeune fille que son père tenait par la main avait mieux que la beauté. C'était une vierge de Vorneck ou d'Emling, mince, svelte, avec des cheveux d'un blond pâle qui encadraient une tête d'une beauté gracieuse. Les yeux étaient candides, le regard était naïf. « Vous voyez, dit le baron en montrant le livre de comptes, nous avons apporté l'Allemagne à Paris. Ma fille n'est pas une Parisienne. Elle ne trouve pas qu'elle s'avilie, en ordonnant ma maison et en veillant aux soins du ménage, ce qui, bien entendu, ne l'empêche pas de cultiver ses talents. Il y a un temps pour tout dans une vie bien ordonnée. » Puis après quelques paroles de politesse qui s'échangeaient entre le colonel et la jeune fille sur la peinture, sur la musique, sur Paris, le baron se leva et ouvrit la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin. « Voilà mon intérieur, » dit-il, en reconduisant le colonel jusqu'à la grille de sortie. « Quand vous serez là de Paris, de son bruit et de ses plaisirs, quand vous aurez besoin de vous retremper dans la vie de famille, venez nous voir. » Ils se séparèrent à la grille après avoir échangé de longues poignées de main. Mais avant de s'éloigner, le colonel se retourna. Elle avait vraiment quelque chose de patriarcal, cette maison au milieu des fleurs et de la fraîche verdure.